salue l'église de Dieu vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kanisa ya Mungu aliye hai mjina Bwana Yesu Kristo. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent à l'internet. Nasalimia pia bapendwa betu wale wanatufuata munjia ya mtandao. Que Dieu les bénisse richement. Mungu ababariki sana. Sans tarder, nous allons nous mettre debout. Bila ugawia tutasimama buima. Nous lirons notre écriture habituelle de 2 rois 6. Tutasoma kitabu yetu ya kila siku ya Wafalme wa pili sura yake ya 6. Nous allons commencer au même verset. Tutaanzia paka pa ile verset moya moya. Le verset 12. Mstari ya 12. Deux rois 6. Wafalme wa pili sura ya 6. Nous allons commencer au verset 12. Tutaanzia mstari ya 12. Nous lisons. Tukunasoma. L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi monseigneur. Mmoja wa watumishi akajibu: hakuna mtu mfalme bwana wangu. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël qui est. Alakini Elisha nabi mwenye kwa kule ku Israeli eko na muonesha mfalme maneno yote ile. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Eko na muonesha mfalme wa Israeli maneno ile wewe unasema mchumba yako ya kulala. Et le roi dit: allez voyez où il est et je le ferai prendre. Na mfalme akasema: endeni mutafute pala nikala mie ntamubamba. On vient lui dire: voici il est à Dothan. Bakakwa kumwambia: tazama iko kule ku Dothan. Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Akatuma bampunda, magari na kundi mkubwa ya wajesi. Qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Bale walifika usiku na kuzunguka muji. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Mutumishi wa mutu wa Mungu akalamuka asubuhi mapema na kutoka. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Tazama kundi ya jesi ilizunguka muji pamoja na mapunda na magari. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Na huyu mtumishi akamwambia huyu mtu wa Mungu. Ah mon seigneur, comment ferons-nous? Ah bwana wangu, tutafanya je hapa? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Akamujibu: usiogope kitu, kwani bale tuku nabo ni ba mingi kushindia bale beko nabo. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Elisha akaomba na kusema: wa milele umfungule macho ili apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Na wa milele akafungula macho ya mtumishi na akaona mulima mzima ikayala mapunda na magari ya moto yenye kumzunguka Elisha. Inclinons nos têtes. Tuinamishe vichwa vyetu. Notre Dieu créateur de toutes choses. Mungu wetu mumbaji wa vitu vyote. Nous te disons merci. Tunasema asanti. Parce que tu nous as accordé une bonne soirée. Kwani unatupatia mangaribi mzuri. Il n'y a pas de deuil au milieu de nous. Hakuna kilio katikati yetu. Seigneur, nous sommes les hommes comme tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Bwana tukubantu sa bote bale banekala pa dunia. Mais nous avons seulement trouvé la grâce devant toi. Alakini tulipata tu neema mbele yako. Voici, nous venons de lire ta parole. Tazama tunatoka mkusoma neno lako. Seigneur, Bwana, Il est écrit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Hakuna unabii hata moja andiko ile inaweza kuwa utafsiri wa mtu peke yake. Aide-nous, Seigneur. Utusaidie, Bwana. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Roho Mtakatifu apate kwa mkazi. Et qu'il nous fasse comprendre ce qu'il y a sur cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Ipate kutuelewesha yenye kusemewa mu hii sehemu ya andiko, Bwana. Commence avec nous cette réunion du début jusqu'à la fin. Wanze nasi mkusanyiko mwanzo na mwisho. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous lisons une autre écriture dans Juges 16. Tasoma andiko ingine mu Waamuzi 16. Au verset 22. Puis 28 à 31. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Japo nywele ya kichwa yake ikaanza kuota tangia bali mukataka hiyo. Allons au verset 28. Jusqu'à 31. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Basi Samsoni akamuita wa milele na kusema: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi des forces seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Na mara moja tu nipate kulipisa kisasi yaba wa Filistia kwa ajili ya macho yangu ili walitobola. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Na Samson akakumbatia hii manguzo mbili ule kulisimamia ile nyumba. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Na akasimamia kuile manguzo mbili, moja ilikuwa kuume na ingine kushoto yake. Samson dit: Samson akasema, que je meure avec les Philistins. Nipate kufa na hao wa Filistia. Il se pencha fortement. Akagamia kuile manguzo na nguvu yote. Et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui y était. Na ile nyumba ikangukia yule wa wafalme na yule ya bantu bote bali walikuwa mule ndani. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vale aliuaka pamoja na kufa kwake bakakuwa ba mingi kushindia vale aliuaka pale alikuwa mzima. Ses frères, banduku yake, et toute la maison de son père descendit, na nyumba yote ya baba yake bakashuka, et l'enveloppe, na bakamfunga. Lorsqu'il fit remonter, wakati vile walipanda, il enterré entre Tsorea et Eshtaol, bakamuzika katikati ya Tsorea na Eshtaol, dans le sépulcre de Manoa son père. Mukaburi ya Manoake baba yake. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ule alikuwa mwamuzi mu Israeli kadiri ya miaka 12. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Samson. Samsoni. Le mobile pour lequel Dieu l'avait suscité. Kifukuzio kinye kile Mungu alimlamusha. C'était pour détruire les Philistins. Ilikuwa juu ya kuharibu wa Filistia. Pour combattre les Philistins. Juu ya kukombanisha wa Filistia. Parce que les Philistins avaient dérangé beaucoup le peuple de Dieu. Kwani wa Filistia bariuji sana taifa ya Mungu. Que Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Et Dieu a suscité cet homme-là. Na Mungu alilamusha huyu mtu. Que par lui, ya kwamba kupitia yeye, il détruirait les Philistins. Ataharibu wa Filistia. C'était un homme très puissant. Alikuwa mtu wa uwezo sana. Si vous lisez l'histoire de cet homme, kama mkisoma hadithi ya huyu mtu, il était un homme très très puissant. Alikuwa mtu wa uwezo sana. Pendant que Dieu était avec lui, wakati ile Mungu alikuwa pamoja naye, tous les Philistins le craignaient. Wafilistia bote balikuwa na muogopa. Quand ils apprenaient que Samson est là, wakati tu bakipata habari ya Samson yeye anafika, ils avaient peur. Bote balikuwa nasikia boka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu était avec lui. Wani Mungu alikuwa pamoja naye. Ce n'était pas qu'il était un homme comme Goliath, non. Aina sema alikuwa kafoko masawa Goliath, hapana. Mais seulement il avait la puissance de Dieu en lui. Lakini alikuwa na uwezo wa Mungu ndani yake. Et cette puissance, na ile uwezo, il l'avait dans les secrets que Dieu lui avait dit. Alikuwa nayo ndani ya siri ile. Le rasoir ne pourra pas passer sur ta tête. Mwembe hauwezi kama kupita kichwa yako. Toi tu es consacré. Wewe kumwenye kutolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et tant qu'il avait gardé ce secret, wakati ila richunga ile siri, même si on pouvait l'entourer comment, hata kama mkimuzunguka aizuru namna gani, Samson était toujours fort. Samson alikuwa paka wa ushindi. Nous avons dit, tulisema, que Delila pour lui, ya kwamba Delila kwake, représentait les choses du monde. Nikionesho kia bitu ya mudunia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Samson. Samsoni. N'est pas ici. Ana hapa tena. C'est nous qui sommes ici. Ni sisi ndio tuko hapa. Ce qui a été écrit. Ile baliandika. A été écrit pour nous. Baliandika juu yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Aujourd'hui. Leo hii. Quand nous parlons de Samson. Wakati tukunamtaya Samson. Nous devons tirer quelque chose pour notre édification. Mapashi kubeba kitu kimoja cha kutujenga. Maintenant. Sasa. Quand il a commencé à fréquenter les Philistins. Il a dit à son père, j'ai vu une femme parmi ces gens-là. Et son père lui a dit, mon fils, est-ce qu'ici au milieu de nous, parmi ton peuple, il n'y a pas de femme ici. Tu ne sais pas que ce sont nos ennemis. Mais non, papa, j'ai seulement aimé cette femme-là. Que Dieu vous bénisse. Mais Delila n'aimait pas Samson de tout son cœur. Delila était un instrument utilisé pour savoir d'où venait la puissance extraordinaire de Samson. Delila alikuwa ni chombo ile walitumia juu ya kuyua ile nguvu ya Samson ilitokea wapi? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les choses du monde. Bitu ya mudunia séduisent beaucoup. Biku na tongoza sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Cette femme représentait les choses du monde. Samson Samsoni représentait l'église de Dieu vivant. Les sept tresses de Samson avaient toujours une signification. L'effet que Dieu l'avait suscité, et il lui a dit, tu ne boiras pas de vin. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ni les liqueurs fortes. Wala mampombe ya makali. Toi tu ne prendras pas cela. Hawezi kuikunywa. Parce que toi tu es un peuple consacré. Tu es yuko taifa mwenye kutolewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tant que Samson obéissait à ses choses. Wakati yote ile Samson alikuwa na tii bibisho. Je ne l'avait pas abandonné. Mungu naye asikumwache hapana. Maintenant. Sasa. Je vais prendre un mot. Tachukua msemo mmoja. Quand Samson a dévoilé les secrets, wakati Samson alitobola siri yake, et que la chevelure était déjà coupée, na nywele barimukata ayo, quand on l'a réveillé du sommeil, wakati barimulamusha musingizi, l'écriture dit, andiko inasema, lisons un peu cela. Tuisome kwanza. Écoutez. Sikilizeni. Verset 18. Mstari ya 18. Delila voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Delila vile aliona sema alimfungulia roho yake yote. Envoya appeler les princes des Philistins. Et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Que Dieu vous bénisse. Allons au verset 20 jusqu'à la fin là-bas. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Ils se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le brisement de la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez ce que Dieu a dit et que vous brisez la parole de Dieu, c'est la chose la plus mauvaise pour un croyant. Et alors on s'est saisi de lui. La première chose, on est allé à la chose essentielle. Une personne peut avoir une seule main. S'il a les deux yeux, ça va quand même. Une personne peut avoir une seule jambe. Mais s'il a les deux yeux, ça va quand même. Mais quand on l'a crevé les yeux, ça n'était fini pour lui. On a enlevé la chevelure, on a crevé les yeux et on l'a mis en prison. Il devait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Bien que nous parlons toutes ces choses, il n'était pas un ange, il était un homme. Les douleurs, il en avait. La souffrance, il pouvait sentir cela. Il vivait maintenant comme un homme de rien là. Et il s'est souvenu une chose. Il a dit, moi Samson, un homme qu'on craignait, un homme qui était honoré, aujourd'hui, ce sont les petits-enfants qui me tiennent par la main pour me faire danser. Il a compris qu'il passait des moments difficiles. Alors il s'est décidé. Il a dit, non, la vie est devenue amère. Maintenant, pendant qu'il était en prison, tous ces gens-là étaient des aveugles. La chevelure avait poussé. Au lieu de connaître que la puissance de cet homme était dans la chevelure, maintenant comme il a la chevelure, la puissance est revenue. Ils l'ont amené pour les faire danser. Finalement, il s'est repenti. Il a reconnu ses torts. Il a dit à Dieu, Seigneur, je reconnais mes fautes. J'ai péché devant toi. J'ai brisé ta parole. Maintenant, Seigneur, ma vie, je n'ai plus besoin de cette vie. Parce que Samson ne pouvait plus voir. Voyez. Il ne pouvait plus voir les choses du monde. C'est alors qu'il a tourné ses regards. Il a regardé à celui qui est invisible, mais qui est réel. Il a dit, Seigneur, juste cette fois-ci, écoute-moi, afin que je meure, mais je ne peux pas mourir seul, que je meure avec les Philistins. Qui sont les Philistins pour nous aujourd'hui? Parce que quand nous prêchons ces choses, nous ne combattons pas les Philistins aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous dérange beaucoup? Que Dieu vous bénisse. Ce qui nous dérange, nous, c'est le péché. C'est pourquoi nous pleurons beaucoup. Chaque jour, nous disons à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela. C'est le péché qui nous dérange beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et alors Samson, cet homme de Dieu, quand il s'est repenti et qu'il a demandé à Dieu de l'aider, Dieu a dit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne l'avait pas rejeté. Samson était toujours Samson. Samson n'était pas un Philistin. Samson était un Israélite. Malgré ce qu'il avait fait là, lorsqu'il est revenu et qu'il a demandé à Dieu de l'aider, Dieu a compris et Dieu l'a pardonné. Il a dit, Seigneur, retourne-moi la force afin que je meure avec tous les Philistins. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a tenu les deux colonnes qui étaient une colonne à sa droite, l'autre à sa gauche. Il a tenu cela solidement. Et il s'est incliné. Il a dit que je meure avec les Philistins. Et ces deux histoires se sont rompues au milieu, la maison est tombée. Et beaucoup de Philistins sont morts. Que Dieu vous bénisse. Même si les péchés vous dérangent, même si vous connaissez que quelque part je me suis éloigné de Dieu, faites seulement un retour. Il est le même Dieu. Il va vous recevoir. Regardez, quand il est mort, ils ne l'ont pas laissé. Ils sont dit non, Samson est le nôtre, allons les chercher. Ils sont venus. Vous savez, il y avait beaucoup de gens. Ils pouvaient seulement trouver, ils disaient non, celui-ci n'est pas Samson. On vérifiait. Non, celui-ci, ce n'est pas Samson. Parce qu'il les connaissait. Jusqu'à ce qu'on est arrivé là où il était. On a dit, les voici, il est ici. On l'a récupéré. Ils sont allés l'enterrer en Israël. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que cela nous dit? Même si nous péchons, même si nous pouvons connaître que quelque part, nous n'avons pas mal agi. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Qui jamais peut tomber sans se relever? Dieu a mis sa parole dans les choses que nous voyons. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois que nous voyageons, si vous heurtez contre une pierre, vous tombez, vous ne ferez même pas deux minutes. Et vous allez vous réveiller. Frère Branham dit, le fait que quelqu'un tombe et il se relève, le fait que quelqu'un pêche et il ne se repent, c'est ça le signe qu'il est un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Et les chrétiens ne gardent pas les péchés en eux. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que nous avons à apprendre de ce que Samson a fait. Bien qu'il avait été séduit, Que Dieu vous bénisse. Mais il est revenu à Dieu. Il a confessé ses péchés. Il a reconnu ses torts. Il a compris que Dalila ne m'aimait pas. Il a compris que la beauté de Dalila était seulement un piège pour moi. Je suis tombé dans un piège. Maintenant, Seigneur, ne m'abandonne pas. Dans les messages, encore une seule fois, Seigneur, Frère Branham me dit, quand il s'est repenti et que son cœur s'est élevé vers le Dieu du ciel, il a senti ses muscles ont commencé à s'étendre. La force commençait à revenir en lui. Que Dieu vous bénisse. Les péchés, tant que nous serons dans ce corps, le péché sera là. Mais le péché n'a pas de place dans le cœur d'un croyant. Rappelez-vous, l'enfant prodigue, malgré qu'il s'était éloigné de son père, un temps est arrivé, il a reconnu, il a dit non, ce n'est pas moi qui doit souffrir comme ça. Je vais me lever. Je vais rentrer vers mon père. Qu'il me garde même comme un serviteur dans sa maison. Mais quand son père l'a reçu, il l'a élevé. Que Dieu vous bénisse. Ayons toujours les regards fixés quelque part. Lorsque nous regardons toujours les choses que nous voyons, les choses que nous voyons sont trompeuses et momentanées. Que Dieu vous bénisse. Delila était une femme trompeuse et momentanée. C'est ce que Samson n'a pas compris. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsqu'il a fixé le regard à Dieu, Dieu est intervenu. Que Dieu vous bénisse. 1 Samuel 17. Samuel wa kwanza sura 17. Commençons la lecture à 41 jusqu'à 47. Les Philistins s'approchèrent peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. Entre nos mains. Que Dieu vous bénisse. J'aime cet homme de Dieu. C'est comme si j'avais assisté à la scène. David était un enfant court, un berger, négligé parmi ses frères peut-être, parce qu'il sait qu'il y a un homme qui passe des moments compliqués. Ce sont des bergers. Nous les avons longtemps observés. Ils sont sous les rayons solaires. Les insectes rôdent autour de à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Et il était venu pour donner les vivres à ses frères qui étaient à la guerre. Mais d'emblée là, il trouve quelqu'un qui sortait et qui parlait. Écoutez un peu au verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, c'est les Philistins. Voici les Philistins de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Que Dieu vous bénisse. Quand David est venu, il a trouvé les péreux, les poltrons, les gens qui avaient peur, et Saul, et tout Israël. C'était des incroyants. Que Dieu vous bénisse. Lisez Frère Branham dans son message trois sortes de croyants. Saul et Israël, ils étaient des incroyants. Quand David a entendu les discours, lisez, cela s'est merveillé. Il a commencé par réclamer la récompense. Amen. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui combattra cet homme et qui le tuera? Son grand frère a entendu. Il a dit, qui t'a dit de venir ici? Je connais ton orgueil. C'est pour observer la bataille que tu es venu. David était un homme de Dieu. Quand il a répondu, l'Écriture dit, une réponse douce calme la colère. David a répondu, qu'ai-je fait? ne puis-je pas poser la question? Et comme il savait que son grand frère était un incrédule, il a seulement tourné le dos à l'incrédulité. Il a continué. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre sur Israël? Mais on a répété les mêmes paroles. Et finalement, on a dit dans cet homme ici, il doit y avoir quelque chose. Le bruit est allé jusqu'au roi. Et on l'a appelé. Quand le roi Saul... Frère, mets-toi un peu debout, vous là. Quand le roi Saul l'a observé, il a dit non. Tu es un enfant. Tu ne peux pas. Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais toi, bien-aimé, vous voyez, David a dit, Daoudi akasema, écoute-moi, je connais ce Dieu en qui j'écris. Mina yoyo mungu mwenye mina amini. Ce qu'il a fait pour moi, ila rinifuanshia. J'étais en train de paître les brebis de mon père. Un lion yamu. Est arrivé Simba moya rikuya. Et s'est saisi d'une brebis. Moya. Je suivis les lions. Nirifuata ule Simba. Pendant que les lions venaient m'attaquer, Simba je l'ai saisi à la gorge et je l'ai tué. J'ai arraché la brebis. Quelque part, frère Branham me dit, c'est une honte ni haya sana. Pour un berger de perdre une seule brebis. Que Dieu vous bénisse. Alors, basi, l'ours est arrivé, s'est saisi encore tena, d'une brebis et s'est avancé. David est allé, s'est saisi de l'ours, a botté et a tué et a récupéré l'agneau. Maintenant il dit, c'est Dieu là qui m'a délivré de la gueule de lion. Des fois nous parlons les lions, vous ne connaissez pas les lions de l'Asie mineure. Frère Branham explique que ce sont des lions, des gros lions terribles. Mais David n'avait pas le regard qui voyait la grandeur des lions. Il avait le regard fixé sur l'invisible, sur les dieux du ciel. Maintenant, il a dit, ne vous découragez pas. Moi, je vais les combattre. Que Dieu vous bénisse. C'est là où nous avons lu. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la victoire se trouve avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Il ne combattait pas lui-même. Il savait d'où lui viendrait la victoire. Et Saul l'a regardé. Il a dit, ça va. Vous pouvez aller. Que Dieu vous bénisse. Le sujet que nous avons, c'est regardant à l'invisible. Ici, je vous montre les gens qui avaient le regard fixé sur l'invisible. C'est là qu'il y a des choses réelles. Que Dieu vous bénisse. Et quand la guerre a eu lieu, le Philistin l'a regardé. Il l'a méprisé dans son cœur. Il a dit, Israël a manqué de gens. Il m'a envoyé ces garçons ici. Ça va, venez ici. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. David a dit, moi, comme tu as insulté les dieux d'Israël, aujourd'hui, je vais t'abattre et je vais te couper la tête. Quand vous lisez la Bible, pendant que l'autre prenait des tactiques de guerre, David n'a même pas pris les tactiques. Il a couru vers les champs de bataille. Il a pris une pierre. Il l'a mis dans sa fronde. Il l'a jeté. Et Goliath était par terre. Que Dieu vous bénisse. C'est le même Dieu à qui nous avons crié. Quand il y a des situations très compliquées, ne cherchez pas à résoudre cela vous-même. Allez à genoux. Dites-lui cela. Il est le même Dieu. Que Dieu vous bénisse. Avec la même force. Avec la même puissance. Que Dieu vous bénisse. Et il est tombé. Je pense, Israël à ce temps-là, ils étaient joyeux. Pourquoi? Ils avaient vaincu la personne qui n'avait jamais été vaincue. Aujourd'hui, il y a des choses qui semblent être invincibles. Telles que si on peut déclarer ma soeur ou mon frère, tu as une maladie telle que le sida, on examine. Oui, maman. Oh, maman. Où est-ce que tu as attrapé cette maladie? C'est quoi, papa? C'est le sida. Voyez, les bras vont tomber. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez vous forcer, le sida vous dira, vous ne pouvez pas réussir, j'étais I. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande maladie, mais c'est une grande maladie devant les hommes, pas devant Dieu. Il y a une femme dans le... il y a une femme à qui frère Branham a prié. On a dit, il a le cancer. Je vous lis cela rapidement. Regardez à l'invisible au paragraphe 10. Elle a, avait un cancer du cœur, du côlon et du foie. Que Dieu vous bénisse. Il avait un cancer. La foi avait un cancer. La colonne vertébrale avait un cancer. Et le cœur avait un cancer. Quand les médecins l'ont observé, ils ont dit, maman, il ne vous reste que quelques heures. Vous allez partir. Et c'était terminé. Le docteur a tourné le dos. Que Dieu vous bénisse. Et le docteur est parti. Et cette femme a dit, mon mari, allons voir frère Branham. Et il partait pour voir frère Branham. Arrivé à quelques mètres de la maison, l'âme avait quitté. Mais avant sa mort, elle avait dit, même si je mourais, que mon corps ici aille devant frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Évidemment, avant qu'il ne voie frère Branham, la sœur était morte. Cette femme était morte. Et son mari pleurait autour d'elle. On l'a enveloppé le visage. On l'a entré dans la salle. Le temps est arrivé. On a dit à frère Branham, dans la salle ici, il y a un cadavre. C'est vrai. Ça se trouve quelque part là-bas. Et frère Branham est parti. Il a trouvé cette femme. L'a ouvert. A vérifié. A touché son corps. Le corps était déjà froid. L'âme avait déjà quitté. Que Dieu vous bénisse. Mais on dit à frère Branham, cette femme a fait une déclaration disant, même si je meurs, que mon corps parvienne en sa présence. Et frère Branham, dans sa prière, il disait, Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa grande foi, ramène cette femme, Seigneur. Et il a prié. Il a quitté. quitté. Après un certain temps, l'âme est rentrée. Vous voyez ce que fait la foi. La puissance de la guérison se trouve dans les malades. Même aujourd'hui, même ce soir, si vous êtes malade, c'est à vous de croire. Dieu est le même. Si vous pouvez seulement le fixer les regards à Jésus-Christ qui a fait ces choses, il est capable de faire ça même ce soir. Et Dieu vous bénisse. Et cette femme s'est réveillée. Elle est rentrée à la maison. Que Dieu vous bénisse. Le même médecin là est allé faire les examens pour découvrir où est parti ce cancer. L'a observé. Il a dit non, non. Je voudrais voir Frère Branham. Je voudrais serrer la main de cet homme. Et il a fait tous ses efforts pour atteindre Frère Branham. Il lui a dit, quand il a examiné la femme, il n'y a aucune trace du cancer. Que Dieu vous bénisse. C'est dans cet âge de l'Odyssée que ces histoires s'étaient passées. Avec le même message que vous avez écrit. Le même Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez fixer les regards à lui, il est là. Et il peut vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Mais les gens ne regardent aux choses qu'il voit. Quand il voit qu'il est mort, met les mains sur la terre, commence à pleurer, et directement il s'en va. Expérimentez les dieux en qui vous avez écrit. Que Dieu vous bénisse. Si David agissait, il n'agissait pas pour rien. Il avait un endroit où il mettait son pied. Il savait qu'il y a quelque chose qui a lié là où j'étais. Mais c'est Dieu qui m'a délivré de la guerre des lions. Il est capable encore de me délivrer devant Goliath. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Il a regardé seulement à l'invisible. Et Goliath a perdu la bataille. Dieu vous bénisse. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Allons rapidement au verset 37. Nous sommes quoi là comme ça dans ma communauté tout n'asaba. David dit encore. Daoud a cassé matena. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et quand la guerre était terminée, David est allé. Comme il n'avait pas l'épée, après que Goliath était par terre, il a dégainé son épée. Parce qu'il avait déclaré, je te couperai la tête. Et il a coupé sa tête. Il a pris la tête. Que Dieu vous bénisse. Et tous les Philistins on fouille. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, mes frères, les dieux du ciel font des choses qui sont inconcevables. Là où vous voyez l'impossibilité, pour Dieu cela est possible. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez quelque chose vous compliquer tellement, ne cherchez pas à trouver la solution. Dis-lui cela. Dites Seigneur, ici, je n'ai plus à faire. je viens auprès de toi. Et puis croyez, même celui dont je viens de vous lire ici. J'ai essayé de déranger la brochure du pasteur. J'ai encerclé ceci, écoutez. Dieu, j'ai demandé à Dieu de lui redonner la vie à cause de sa grande foi. Écoutez maintenant. Et peu après, que Dieu vous bénisse. Et peu après, elle s'est réveillée de la civière. Et elle est rentrée à la maison. Le problème qui est là, la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que ceci le prie pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. S'il a prié pour vous, il s'arrête là-bas. Ce n'est pas lui qui guérit, c'est le Dieu du ciel qui guérit. Vous voulez, Amen. Et directement vous vous réveillez. Si c'est comme ça, c'est bien. On ne refuse pas. Il est le Dieu des miracles. Il peut le faire comme ça, tout comme il peut vous faire attendre pendant 5 minutes ou pendant 5 jours. Il est Dieu. Dieu n'est pas dans les temps. Que Dieu vous bénisse. C'est nous qui voulons. Amen. Celui-ci s'est réveillé. C'est bien. Quand il a dit à Abraham, l'an prochain je passerai. Que Dieu vous bénisse. Quand vous arrivez l'an prochain, comme je l'ai dit hier, Abraham pouvait répondre l'an prochain. Quand vous arrivez l'an prochain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'an prochain. Après une année, vous arrivez. Abraham, comment ça va? Il m'a dit l'an prochain. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans le temps. Quand on a prié pour vous, croyez. Hier, j'ai expliqué que les douleurs ne montrent pas que tu es malade. Les douleurs ne sont pas la présence de la maladie. Frère Branham dit, si on a prié pour vous et que la fièvre a augmenté, louez le Seigneur, vous êtes guéri. Vous, quand la fièvre augmente, pasteur, fièvre n'a pas ça, tu n'as plus, mais il est 43. Oui, mais il a déjà prié. Qu'est-ce que vous voulez encore? Dieu vous bénisse. Premier Timothée 4. Timothée wa kwanza sura ya ine. 1 Timothée 4. Timothée wa kwanza sura ya ine. Notre problème c'est regardant. Oh là là, allons dans 2 Timothée. Wende ni Timothée wa pili. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 à 8. Timothée wa pili sura ya ine, mstari wa 6 na 8. Nous lisons. Tunasoma. Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cet homme Uyumutu regardait à quelque chose. Regardait à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Il regardait à l'invisible. Il dit, anasema, la couronne. Taji. J'ai déjà combattu dans ce monde et j'ai achevé la course. À partir d'aujourd'hui, j'ai une couronne qui m'est réservée. Le Seigneur, Mwana, le juste juge, me donnera cette couronne. Il ne va pas seulement me donner ça moi, même ceux qui aiment son avènement. Que Dieu vous bénisse. Le regard de cet homme était fixé sur quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il croyait et qui est réel. Que Dieu vous bénisse. C'est comme je pouvais vous le dire, que cette vie que nous avons n'est pas la vie. La vie n'a pas la mort en elle. La vie, c'est la vie. La mort, c'est la mort. Mais c'est le signe, il y a la mort. Ce n'est pas la vie. C'est le reflet seulement de la vie. La vie, c'est la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, il n'y a pas la mort. Que Dieu vous bénisse. Voilà où tous ceux qui avaient les regards là-bas, ils fixaient les regards à ces dieux-là qui a cette vie-là, et il tournait le dos aux choses du monde. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était l'espérance de Paul. Si nous pouvons pénétrer dans la vie de cet homme, non, il nous faut combattre. C'est quelqu'un. Si on se mettait à expliquer sa vie, quand nous lisons, comme si vous étiez à ses côtés, un jour, on l'a lancé des pierres, des coups de pierre. On les frappait, on les lançait des coups de pierre. On l'a tiré, on est allé le jeter, croyant qu'il était mort. La Bible dit, les croyants l'ont entouré. Et quand ils l'ont entouré, il s'est tenu debout. Maintenant, quand vous lisez la Bible dit, le lendemain, il était quelque part prêchant l'évangile. Si c'était nous, on dirait peut-être, vous voyez, il devait avoir des blessures, il devait avoir des gonflements. Que Dieu vous bénisse. Mais malgré tout cela, il est allé prêcher l'évangile. Parce que Jésus lui a dit, tu vas prêcher l'évangile aux nations, aux fils d'Israël, aux rois, et je te montrerai même la manière dont tu dois souffrir. Il devait souffrir. Cela lui était promis. Que Dieu vous bénisse. Et il a beaucoup souffert. Même moi qui vous parle, je n'ai jamais souffert comme cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Et c'est lui qui écrit ici, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera à ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Il avait le regard sur l'invisible. Mais là où existent les choses réelles, que Dieu vous bénisse. Je reviens à ce héros de la foi. Peut-être je vais seulement lire et ça pourrait nous aider le dimanche peut-être, si c'est la volonté du Seigneur. Et s'il nous donne la journée de dimanche. Job 19. Disons cela rapidement. Nous lisons à partir du verset 13. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servants. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Que Dieu vous bénisse. Allons au verset 18. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ce que j'avais pour confident m'ont honoré. Ce que j'aimais se sont détournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Et il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. C'est le temps. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, pourquoi me poursuivre? Comme Dieu me poursuit. 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle fisse pour toujours gravée dans les rocs. Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous viendrons commencer par ici. Que Dieu vous bénisse. Job savait qu'il y a quelqu'un qu'il ne voyait pas. Tout son espoir, malgré la souffrance, il regardait là-bas. Il dit, il est vivant. Un jour, à ta macho inaoza, même si mes yeux sont crevés, sont pliés, macho yangu, mais avec mes yeux spirituels, je les verrai. Apana macho ya mutu mwingine, ce n'est pas les yeux de quelqu'un d'autre, ce sont mes yeux à moi, Job.